Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 4, Gaumet-Duprès 1862. Question 4. De l'union quant à la nature humaine. La nature humaine devait être prise par le Verbe, plutôt que toute autre nature. Le Verbe n'a pris ni la personne humaine, ni l'homme, et cependant il n'a pas pris une nature séparée de tous les individus. Pourquoi il convenait que la nature humaine fût prise dans la souche d'Adam? 1. La nature humaine devait-elle être prise par le Fils de Dieu de préférence à tout autre? La sagesse engendrée a dit, « Mes délices sont d'être avec les enfants des hommes. » Proverbe 8:31. Une double raison rendait convenable l'union de la nature humaine avec la divinité, la dignité de cette nature, et la nécessité où elle se trouvait. Raisonnable et intelligente, elle était naturellement propre à entrer en relation avec le Verbe, par la connaissance et par l'amour, entachée du péché originel, elle avait besoin d'être restaurée. La créature privée de raison manquait de dignité, et la nature angélique ne présentait point la convenance tirée de la nécessité. La nature humaine était conséquemment la seule que le Verbe de Dieu devait prendre. 2. Le Fils de Dieu a-t-il pris une personne? Dieu, dit saint Augustin, a pris la nature de l'homme, et non la personne. Supposez que, dans la nature humaine, la personne eût été existante avant l'Assomption, de deux choses l'une, ou elle serait détruite, et dans ce cas elle aurait été prise en vain, ou bien elle subsisterait après l'union, et alors il y aurait deux personnes, ce qui est contraire à ce que nous avons établi précédemment. Le Fils de Dieu n'a donc pas pris une personne humaine. Note. Est-ce à dire que la nature humaine, ainsi privée de sa personnalité, a manqué de quelque qualité propre à notre nature? Non. Sans doute, elle n'a été privée de personnalité qu'à raison de son adjonction à un être supérieur à elle. Fin de la note. 3. La personne divine a-t-elle pris un homme? Saint Félix, pape et martyr, dont le concile d'Éphèse invoqua l'autorité, s'exprime en ces termes, « Nous croyons en notre Seigneur Jésus-Christ, né de la Vierge Marie, parce qu'il est le Fils éternel de Dieu, et non un homme que Dieu a pris pour être un autre que lui. » On s'exprimerait improprement en disant que le Fils de Dieu a pris un homme. Qui dit un homme? Dit une nature humaine existant dans un suppôt. Or, dans l'incarnation, il n'y a pas d'autre suppôt que la personne divine, à la fois principe et terme de l'Assomption. S'il n'est pas vrai qu'un suppôt ait été pris, nous ne pouvons pas dire qu'un homme l'a été. 4. Le Fils de Dieu a-t-il dû prendre une nature humaine séparée de tous les individus? Si Dieu, le Verbe incarné, dit très bien saint Jean Damascène, avait pris cette nature que nous considérons par une vue simple de l'esprit, l'incarnation n'aurait été qu'une fiction trompeuse. En effet, il est impossible que, comme le prétendaient les platoniciens, la nature humaine existe sans une matière sensible qui l'individualise, et, quand on admettrait qu'elle puisse ainsi exister, il n'aurait point été convenable que le Verbe de Dieu l'a pris dans cette condition. Une telle nature n'aurait eu que des opérations communes et universelles, d'où ne se tire ni mérite ni démérite, et il n'aurait pas pu mériter pour nous. D'ailleurs, purement intelligible et incapable de tomber sous les sens, elle aurait été contraire au but même qu'il se proposait, puisqu'il voulait apparaître au regard des hommes, selon ce passage du prophète Baruch 3:38, on l'a vu sur la terre, et il a vécu parmi les hommes. Il ne devait pas davantage prendre la nature humaine telle qu'elle est dans l'intelligence divine, où elle n'est pas autre chose que la nature divine elle-même, car on serait obligé de conclure qu'il a eu la nature humaine de toute éternité. Pour conclusion, le Fils de Dieu n'a pas dû prendre la nature humaine abstraite de tous les individus. 5. Le Fils de Dieu a-t-il dû prendre la nature humaine dans tous les individus? Il ne convenait pas que le Verbe prît la nature humaine dans tous les individus. Ce qui le prouve, c'est, premièrement, que la multitude des suppôts réclamés naturellement par la nature humaine aurait été détruite, puisque, si toutes les natures humaines avaient été l'objet de l'Assomption, elles n'auraient toutes qu'un seul suppôt, savoir, la personne divine qui les aurait prises. Secondement, une telle union aurait dérogé à la dignité du Fils de Dieu incarné, qui, comme homme, est le premier-né entre un grand nombre de frères. Tous les hommes seraient égaux en dignité. Enfin, il était beaucoup plus conforme à la raison que la seule personne incarnée prît une seule nature humaine, afin qu'il y eût unité des deux côtés. Note. Dieu, dit saint Paul, nous a fait voir combien est grande sa charité envers nous, en ce que, lorsque nous étions ses ennemis, Jésus-Christ est mort pour nous, Romains 5, 8, or cela n'eût pas eu lieu, si le Verbe avait pris la nature humaine dans tous les hommes. Fin de la note. 6. Convenait-il que Dieu prît la nature humaine de la souche d'Adam? La généalogie du Christ remonte à Adam, saint Luc 3. Le constate, Dieu, a dit saint Augustin, pouvait prendre la nature humaine ailleurs que dans la souche d'Adam, mais il a jugé qu'il valait mieux que l'humanité, par laquelle il devait vaincre l'ennemi des hommes, fût tiré de la race même qui avait été vaincue. La justice semble demander que celui qui a péché satisfasse. Il fallait dès lors que la satisfaction pour le genre humain fût tirée de la nature même que le péché avait viciée. La dignité de l'homme devait y gagner, puisque le vainqueur du démon naissait de la race vaincue par lui. Dieu lui-même, élevant ainsi au degré de vertu et de dignité ce qu'il avait pris d'une nature corrompue et affaiblie, faisait éclater davantage sa puissance. Note. Quelqu'un, répétant les paroles de saint Paul, dira peut-être, il convenait que nous eussions un pontife, séparé des pécheurs. Hébreux 7, 26. Cela est vrai pour la faute que le Christ venait détruire, mais non pour la nature qu'il voulait sauver, car, suivant le même apôtre, notre pontife devait être assimilé à ses frères sous tous les rapports, à l'exception du péché. Markemdanarchive.org 2021. D'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.